Le journal Le Quotidien lançait sous la plume de Louis Potvin la semaine dernière que cinq joueurs de la polyvalente Jean Dolbeau ne pouvaient pas jouer au football suite à une erreur administrative de la commission scolaire Pays des Bleuets. Et il y avait un règlement dans l'école qui mentionnait que dans la commission scolaire et Sport Québec, que les joueurs de football devaient étudier à l'école de l'équipe où il évoluait. Or, il n'y a pas d'équipe à Jean Dolbeau et là, on est pris devant tout un scénario, c'est que les cinq joueurs d'ici qui ne peuvent pas s'aligner avec les Centurions de Saint-Félicien en raison de ce problème et en raison de cette erreur. Et on va parler maintenant avec un parent de ces joueurs-là, s'il s'agit de Pascal Potvin. Bonsoir, M. Potvin. Bonsoir. Pascal Potvin, donc, qui est le père d'un des joueurs de football. D'abord, est-ce qu'il y a eu du développement depuis la dernière fin de semaine que l'article a passé? Non, il n'y a pas eu de développement. OK. Qu'est-ce que vous vouliez? Évidemment, c'est dans l'article, c'est que ces cinq joueurs-là portent les couleurs des Centurions, quoi? Oui. On voulait ou comment vous me dites ça, là? Dans l'article, on mentionnait qu'il y a cinq joueurs qui ne peuvent pas jouer en raison évidemment d'une erreur administrative et en raison qu'il n'y a pas d'équipe à Jean Dolbeau, donc ils devaient jouer avec les Centurions. Mais c'est un règlement qui finalement, qui on pourrait dire, qui avantage pas du tout ces cinq joueurs-là, là. Oui, c'est ça. Et là, ils sont en infraction. Ils ne peuvent plus jouer là, parce que la Ligue a décidé d'appliquer ce règlement-là. OK. Et là, qu'est-ce qui se passe maintenant à partir de maintenant? Bon, je sais qu'il y a eu une plainte de fait. Est-ce que vous entendez faire d'autres choses? Ouais, nous autres, là, on a parlé avec le coach de l'équipe, Kevin, là, qui veut essayer d'aller rencontrer l'association, la fédération, ça, OK. pour essayer d'amender ça ou avoir un règlement où je sais que la commission scolaire leur a offert de payer une amende à chaque match. Ça n'a pas été accepté de l'association. Puis là, ils voulaient pas rencontrer le coach ou les responsables là, de la commission scolaire parce qu'ils disaient qu'il y a un des parents qui avait fait une mise en demeure. Mais la mise en demeure était juste pour son garçon, elle n'était pas pour les cinq joueurs. Comment vous expliquez ça? Est-ce qu'il y a eu, je sais que demain on va parler avec le directeur de la polyvalente 80, Carl Bouchard, mais comment vous expliquez un petit peu que du côté du Sport Québec, qu'on ne semble pas plus ouvert que ça? Oh, je pourrais spéculer sur bien des choses, là, OK. parce qu'on sait qu'il y a bien des choses dans d'autres villes et dans d'autres équipes, là, du maraudage, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais c'est rien que des spéculations, on ne veut pas embarquer là-dedans. Là, OK. mais Mais comment expliquer? là, Comment c'est expliquer? quoi? Est-ce qu'on s'est donné un délai du côté? Parce que là, à un moment donné, c'est bien beau. Les cinq joueurs qu'on a vus à l'école, est-ce qu'ils s'entraînent actuellement? Puisque je sais qu'il n'y a pas d'équipe à Jean Dolbeau. Tu sais, il y a un momentum aussi à récupérer. Là, il y a vraiment une situation de match. Là, à un moment donné, il ne faut pas trop que ça traîne, là. Ouais, ben c'est ça, c'est parce que là, si ça traîne trop, ils vont perdre de saison. Puis comme c'est là, ils sont en arrêt de jeu, ils n'ont pas le droit de jouer, mais ils s'entraînent avec l'équipe, OK. mais on leur donne pas le droit de jouer. Nous autres, on voulait les faire jouer pour faire un moyen de pression, mais si on les fait jouer, on risquait de faire radier l'équipe au complet, là, apparemment. Là. Il y a eu des menaces de la Ligue que si c'était les joueurs qui étaient interdits de jouer, jouaient, qui l'hôtel le droit de participer. D'être dans la ligue, là, comme on veut dire. Est-ce que c'est des joueurs qui auraient pu jouer vraiment de façon comme partant cette année? De façon comme. Comme partant dans l'équipe? C'est-tu des joueurs qui auraient pu être réservistes ou c'est des joueurs qu'on aurait pu voir comme partant avec les Oui, Centurions de oui, oui, Saint-Félicien? oui, oui, oui. OK. Oui. OK. Ils sont cinq partants. OK. Il y a un parent qui a fait une mise en demeure. Est-ce que vous. Où est-ce que ça va mener? Si jamais ça bouge pas, jusqu'où est-ce que les parents sont prêts à aller dans ce dossier-là? Ben là, c'est assez ridicule ce règlement-là, là, que vu Ouais. qu'on a été sanctionné parce qu'on a fait une erreur avec la commission scolaire de Saint-Lucien, nos jeunes auraient le droit d'aller jouer dans une autre équipe. Ils auraient le droit d'aller Ouais. jouer pour Almo ou pour Tunis. C'est aussi ridicule que ça. Fait qu'on a deux alternatives. Nous autres, on pensait que notre équipe allait nous appuyer, puis allait pas jouer, puis qu'elle allait faire des moyens de pression. Là, on dirait que le campagne de peur a marché, là, parce que là, l'équipe a joué, puis ils ont laissé les gars de Dolbeau, ils ont respecté, ils ont laissé pas s'habiller, puis pas jouer, ils ont respecté ce que la Ligue leur demandait. Parce qu'eux autres, ils espéraient, la commission scolaire, puis notre coach Kevin espérait être capable d'avoir le droit de les rencontrer cette semaine pour avoir une entente là pour modifier le règlement-là, parce que c'est ridicule. Là. OK. Donc, ce que vous dites, et puis il pourrait jouer pour les Lynx espagnols ou pas du four n'importe quand. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Là. Donc, ce que vous dites, c'est que ces cinq joueurs-là pourraient jouer pour les Lynx du pavillon Wilbrois-Dufour à Alma pour n'importe quand. Ils pourraient jouer, ces cinq joueurs-là pourraient jouer pour Alma. Oui, c'est ça. Ouais. C'est assez spécial. Ils pourraient jouer pour Alma, ils pourraient jouer pour Foutini parce qu'ils n'ont pas fait l'infraction pour cette commission scolaire-là. Ils auraient le droit d'aller jouer pour d'autres. Ouais. Mais vous n'avez pas répondu, est-ce que les parents sont prêts à aller plus loin? Je sais qu'il y a une mise en demeure qui a été faite par un des parents, est-ce qu'on est prêt à aller, si jamais, parce que là, maintenant, il faut que ça bouge, là. Ah oui, on a concerné, même moi, j'ai discuté avec un avocat cette semaine. Okay. J'attends de voir si, effectivement, ils vont pouvoir rencontrer la Ligue, là. Puis s'ils sont pas capables, là, nous autres, on va faire ça dans le tas. Là, c'est sûr qu'on trouve ça ridicule. Puis écoute, là, faut donner. Ils sont supposés d'avoir l'optique de faire jouer nos jeunes. Là, faut chicaner pour que nos jeunes fassent. On n'avait pas d'équipe à Dolbeau. On est allé à Saint-Vilicien. Puis c'était une erreur de la commission scolaire. Ils ont décidé de les renvoyer à Dolbeau. Ils pensaient que ça allait faillir, mais ils avaient peut-être probablement mal lu le règlement. C'est une erreur, tout simplement. T'sais, ils ont voulu amender. Ils ont avoué leurs erreurs à la Ligue. Ils ont voulu. Ils leur ont fait de payer l'amende. Ils leur ont fait plein d'alternatives. Okay. La Ligue n'a pas voulu. Est-ce que. Donc, vous vous donnez quoi, 3-4 jours à peu près d'ici la fin de semaine? Normalement, si la semaine prochaine, à pareille date, s'il n'y a pas de changement, vous allez faire ce que Stéphane Fortin a fait et vous allez envoyer également votre mise en demeure de la part. C'est ça? Probablement, ou à moins qu'on décide d'envoyer nos voix jouer pour une autre équipe. Là. Okay. Comme je vous dis, là, on est en dilemme. Là. Ça serait drôle que nos voix se battent contre leur équipe. Ouais. Est-ce que les Lynx d'Alma, c'est une alternative intéressante pour vous? Parce que je sais que c'est un sport-études quand même, c'est un programme qui est quand même très, très, très, très intéressant pour les joueurs. Je connais ça. Patrice Boudreau est un bon entraîneur également. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment, qui vous intéresse ou pas du tout? Ou vous, c'est Saint-Félicien vraiment? Ben, pas, non. Ben, honnêtement, on ne s'est pas informé. OK. Mais chez nous autres, ce qui nous intéresse, c'est notre équipe. Là. Ben oui. C'est les Centurions, on veut voir Saint-Félicien. Ouais. On veut garder cette option-là. OK. Ça va être un plan B si on voit qu'on n'a pas on n'a vraiment pas d'autres alternatives. Là. OK. Donc, on va surveiller ce dossier de prêt. Demain, on va parler avec Carl Bouchard, qui est le directeur de la Prévente 80. On va essayer de parler avec les gens également du sport étudiant à Chicoutimi, pour savoir. Mais ça ressemble à un fonctionnaire qui veut peut-être pas, qui est rigide, puis qui veut pas. Il veut pas changer sa philosophie. Puis il est by the book, comme qu'on appelle. Excuse-moi l'expression. Oui, c'est ça. Ça ressemble à ça. Il s'assit sur la mise en demeure. Mais une mise en demeure, là, ça n'empêche pas de la négociation. Là, ben oui. Normalement, c'est supposé d'aider à avoir le goût de régler et de parler, mais là, il s'assise là-dessus. Il menace notre équipe et la commission scolaire de retirer votre mise en demeure si vous voulez qu'on vous rencontre. C'est du chantage pur et simple. Ouais. Ben, Pascal Pavin, on vous souhaite la meilleure des chances, puis on suit le dossier d'après. Ben, merci beaucoup. Voilà, Pascal Potvin, un parent qu'un petit garçon ne peut pas jouer pour les Centurions de Saint-Félicien en raison d'une erreur des gens de la commission scolaire Pays des Bleus.